Kanyangi. Séraphine Hakizimana sur la mise en onde. Bonjour auditrice, auditeur de la radio Sanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition de ce 16 octobre. En voici les grandes articulations. Plus de 1200 restes humains ont été excavés par la Commission Vérité et Réconciliation dans la province Lumonge depuis le mois d'août de cette année, vous l'entendrez. Et les voyageurs atterrissant sur le sol burundais pourront désormais se choisir les hôtels remplissant les critères exigés pour leur mise en quarantaine. Dans cette édition, on reviendra également sur cette réunion tenue mercredi entre le personnel de la Régie des Eaux et le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines. C'était après la visite du Premier ministre burundais Alain Guillaume Wunyoni. Rebonjour et bienvenue. Rebonjour, page santé. Pour débuter cette édition, les personnes venant de l'étranger qui doivent subir une mise en quarantaine ont droit de choisir n'importe quel hôtel remplissant les critères exigés pour leur hébergement durant cette période. La déclaration du ministre de la Santé lors d'une réunion avec l'association des représentants des hôtels au Burundi, c'était mercredi. Dr Tadende Ndikumana a précisé que ces critères sont communs pour tous les hôtels. Il a en outre révélé que le certificat médical relatif à l'état de santé d'un individu face au coronavirus sera désormais délivré aux moyens électroniques pour combattre la fraude. On l'écoute. Beaucoup de voyageurs qui entrent dans le pays, on trouve des cas positifs au Covid-19 et ce qui montre que même si la situation est maîtrisée dans notre pays, nous devons renforcer la surveillance transfrontalière et aussi la recommandation c'est que les voyageurs qui viendraient de l'étranger devront passer au moins 72 heures en quarantaine, s'il est trop pressé, au niveau des hôtels pour faciliter le prélèvement mais aussi l'analyse des échantillons parce que n'importe qui viendra de l'extérieur doit nécessairement été testé au Covid-19. Alors, vous comprendrez que les hôtels vont jouer un grand rôle. Et cet atelier, c'était de leur montrer d'abord ce qui est demandé à ces hôtels et aussi comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Nous réjouissons que jusque-là, on a essayé de travailler ensemble. Mais aussi, les responsables des hôtels se demandaient comment on choisit les hôtels qui vont mettre les voyageurs en quarantaine. Cette fois, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a des conditions et ces conditions devront être respectées par chaque hôtel qui désire participer dans cet effort du gouvernement pour protéger la population burundaise. Docteur Tade Ndikumana, ministre burundais de la Santé publique. Parlons économie à présent. 15 certificats d'éligibilité aux avantages du Code des investissements ont été octroyés aux différentes entreprises par l'Agence de promotion des investissements API au cours du dernier trimestre 2019-2020. Ces 15 certificats correspondent en capital de plus de 700 milliards de francs burundais, selon le directeur général de l'API. Lors de la présentation des réalisations ce vendredi, Désiré Mouchalitse a indiqué que l'API a facilité l'immatriculation de plus de 1200 entreprises et 500 personnes physiques. Le point avec Jean-Marie Mayong. Lors de la présentation des réalisations du premier trimestre, le directeur de l'API, Désiré Mouchalitse, a dit qu'il a eu amélioration dans les services relatifs à l'octroi du certificat d'éligibilité aux avantages du code d'investissement. Au cours de ce premier trimestre de l'année budgétaire 2020-2021, 15 certificats d'éligibilité aux avantages du code des investissements ont été octroyés contre 10 certificats octroyés au cours du dernier trimestre 2019-2020. Ces 15 certificats correspondent à un capital provisionnel de 710 milliards 756 millions de francs burundais avec une projection de 2078 emplois. Désiré Mouchalitse a informé également qu'au cours du trimestre passé, l'API a délivré 24 certificats temporaires de conformité aux entreprises qui l'ont demandé. Ces dernières ont déjà investi plus de 196 milliards 506 millions de francs burundais par rapport au montant prévisionnel de 153 milliards 534 millions de francs burundais, soit près de 128%. Sur 1459 emplois prévus, 1317 emplois ont été déjà créés, soit 90,26%. Ces certificats sont octroyés dans le cadre du suivi de la destination des biens exonérés. L'agence de promotion des investissements a initié la mise en place d'une plateforme regroupant les institutions publiques et structures privées à vocation d'appui au développement du secteur de l'horticulture. Jean-Marie Mayonga, et vous l'aurez entendu, les 15 certificats d'éligibilité aux avantages du Code des investissements ont été octroyés au premier trimestre de cet exercice budgétaire 2020-2021 et non 2019-2020. Et une somme oscillant autour de 2 milliards de francs burundais a été collectée par des actionnaires pour investir dans les sociétés coopératives depuis 2013 jusqu'au 30 juin 2020. C'est ce que dit ce vendredi le directeur général de l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives au Burundi, ANACOP. C'était lors de la présentation des réalisations pour l'exercice 2019-2020. Certains des participants trouve qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'accompagnement de ces coopératives, notamment le fait de faciliter leurs membres pour qu'ils puissent accéder au crédit. Après une courte transition, c'est la page Justice transitionnelle. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition des restes humains et autres matériels de 1221 victimes des tueries de 1972 en province Rumonge ont été excavés par la commission Vérité et Réconciliation du 25 août au 14 octobre courant. La CVR qui donne ce bilan dit qu'il s'agit d'une excavation effectuée dans 147 fosses communes dans cette province du sud-ouest du Burundi. Une messe œcuménique en mémoire de ces victimes a été organisée ce vendredi au stade communal de Rumonge en présence des présidents des deux chambres du Parlement burundais. Parlons société à présent. Les déplacés du site de Kigalamango en zone Gatumba, commune Mutimbuzi, vont recevoir un paquet retour de 3 mois pour ceux dont leurs maisons n'ont pas été détruites. Cela a été dit ce jeudi. Hier donc, par Félix Nguendabanyikwa, secrétaire permanent au sein du ministère de la Solidarité nationale, lors de la présentation des réalisations au sein de cette institution, une liste des propriétaires et des locataires est déjà faite. Ils vont tous bénéficier de ce kit et le ministère se charge de leur relocalisation, a-t-il précisé. On l'écoute. Alors, pour ce qui est des déplacés de Gatumba, ici, c'est une question qu'on a suivie depuis que les inondations se sont abattues sur la localité de Gatumba. Et actuellement, on est dans une phase d'avoir les listes de ce qu'on appelle les locataires et les propriétaires des deux parcelles. Et avec la collaboration des partenaires techniques et financiers, on vient de bénéficier d'un appui financier et technique pour que effectivement les locataires et les propriétaires des parcelles puissent bénéficier de ces kits pour 3 mois. Donc, les locataires vont essayer de s'arranger pour avoir des maisons à louer. Mais comme nous sommes un ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions, on ne va pas les bousculer. Peut-être on sera bousculé par les changements climatiques, les intempéries qui tombent. Mais on aimerait que les gens puissent rentrer dans leurs droits et partir en paix sans toutefois qu'il y ait des bousculades au niveau de leur déménagement. Pour les personnes propriétaires des parcelles, ici, on voudrait vous informer qu'on est en train de voir la possibilité d'un site où on pourra les installer. Et comme ça, avec le ministère, via la Direction Générale de la Réintégration des Sinistrés, on pourra voir comment eux aussi puissent participer dans les travaux de construction de leur maison. Parce que nous avons également notre disposition des tôles qui pourra nous aider à couvrir leur maison de façon générale afin de s'abriter contre les intempéries éventuelles. Poursuivant cette édition, je vous l'avais annoncé en titre. Dans cette édition, on revient sur cette réunion tenue mercredi entre le personnel de la Régie des Eaux et le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines. Eh bien, le président du syndicat du personnel au sein de la Régie des Eaux a indiqué que la vétusté des installations, le gaspillage de l'eau sont certains des défis qui hantent cette société, a dit Youssouf Moussi, président de ce syndicat. Je venais de vous le dire, c'était lors d'une réunion entre le personnel et le ministre de l'Énergie et Mines, et c'était après la visite du Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. Eh bien, on l'écoute dans cette traduction. On écoute le président du syndicat de la Régie des Eaux dans cette traduction de Léonce Vitalio. Abakozi ba Régie des Eaux ubushobozi bagufise mugabo ingora iriho niya. Si on procédait par des données chiffrées aujourd'hui, L'énergie, par exemple, que nous tirons d'Interpétrole, 1 kWh par mois vaut 2,23 $. C'est à peu près 435 francs burundais. Ajoutez à cela la connexion des câbles et des sachets. Seulement, le réseau est vieux. Il date de 1980. Nous avons beaucoup de pertes techniques. Je dirais que même l'énergie que nous tirons d'Interpétrole, nous n'utilisons que près de 60%. Tout le reste, c'est jeté dans la nature. Et là, on ne parlait pas de cas de vol. Il y en a que l'on ne facture pas comme il le fallait. Par exemple, ces gros consommateurs. Il faudrait que qu'on leur donne des compteurs qui facturent convenablement. Il faut ajouter aussi des problèmes de l'eau. Le réseau est également vieux ou dépassé. Il faudrait procéder à son remplacement. Et si on condense tout cela, il faut en principe une somme de 600 francs burundais pour faire parvenir un seul kilowattheure aux citoyens. Si on se met à calculer, un mètre cube d'eau nous fait perdre au moins 35% du rendement attendu. Comprenez bien, ce n'est pas la régie des eaux qui décide des prix de l'eau et d'électricité, c'est le gouvernement. Un kilowattheure est estimé à 200 francs burundais. Tout ce que moi je pense, c'est que vous avez donné une mission impossible à ces directeurs. La production nous coûte cher et on vend perdant. Si on se mettait à évaluer par rapport aux pays de la région, le Burundi vend à moins cher l'eau et l'électricité. Merci à Léonce Huitariho qui était en direct au studio avec moi et traduisait Youssouf Moussi, président du syndicat du personnel de la régie des eaux. Et selon le comptable au sein de cette société, la régie des eaux perd là où gagne l'organisation Payway. Et selon le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines, le paiement par Payway ne devrait pas poser problème, qu'il faut juste être compétitif. On l'écoute, traduit en français par Charles Macotte. J'ai l'impression que le système Payway a été introduit en conséquence de la situation qui devenait de plus en plus difficile à maîtriser. Moi, je suis venu à la tête de ce ministère trouvant le système en place. Mais ça m'aide dans l'achat de l'électricité. Ce qui est évident, c'est que ça facilite la population. Cherchez donc comment vendre l'électricité sur l'Internet, sur les téléphones et faites concurrence et voyons les résultats. C'est ça la recherche. De besoin, nous pouvons rompre avec Payway, mais si ce n'est pas comme ça, le Payway peut en profiter si nous fermons les yeux. S'il faut prendre une décision, elle sera prise pour la bonne marche de l'entreprise. Ibrahim Ouizé, ministre burundais de l'hydraulique, énergie et mines. Voilà, à 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Mais vous retiendrez que plus de 1200 restes humains ont été excavés par la commission Vérité et Réconciliation dans la province Lomongue depuis le mois d'août de cette année. Et les voyageurs atterrissant sur le sol burundais pourront désormais se choisir les hôtels, mais remplissant les critères exigés pour leur mise en quarantaine. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Erika Dogo qui assurait la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.